tabac quand je prends le coin. Prends ta tondeuse contre cette pelouse synthétique. C'est le principe du regard des hypocrites. Tu crois que c'est de l'herbe, en fait c'est du plastique. C'est désagréable, c'est insupportable, c'est intolérable, c'est même bizarre. C'est pétage de câble, c'est exécrable, c'est placotable. C'est de la merde. Contre les bouches pelouse tabac quand je prends le coin. Prends ta tondeuse contre cette pelouse synthétique. C'est le principe du regard des hypocrites. Tu crois que c'est de l'herbe, en fait c'est du plastique. Quand ton regard se pose sur l'horizon, que ton esprit chavire en perdition, il n'est pas question, non surtout pas, que l'arme que tu vois, ça n'en soit pas. Vraiment, réellement, pour de vrai, honnêtement, sans mentir, sincèrement, ouais. Cette pelouse synthétique, c'est le principe du regard des hypocrites. Tu crois que c'est de l'herbe,